La violence contre les établissements scolaires, une arme de guerre, 28 février 2014. Attaquer les écoles et les universités est devenu une arme de guerre. C'est ce qu'affirme un nouveau rapport intitulé « L'assaut contre l'éducation », en précisant que durant les 5 dernières années, des centaines d'étudiants et d'enseignants ont été tués et de nombreux autres blessés. Le rapport identifie 30 pays qui ont été le théâtre d'une série d'attaques délibérées entre 2009 et 2013. Le document est l'œuvre de la Coalition mondiale pour protéger l'éducation des attaques. Diana Yaounet, la directrice du groupe, déclare que « les attaques contre les écoles, les enseignants, les étudiants, les professeurs et des universitaires sont beaucoup plus répandus que cela avait été documenté. Les écoles sont incendiées ou la cible de bombes. Les enseignants sont enlevés ou victimes d'extorsion. Dans les écoles et les universités à travers le monde, des élèves et étudiants sont recrutés dans les forces armées. Pourquoi s'en prendre à des établissements scolaires ? Les écoles et les enseignants représentent souvent les États et ils sont donc des cibles faciles. Pour les bombes notamment, c'est facile de leur tirer dessus, beaucoup plus facile que les cibles dures telles que les postes militaires. Par exemple, explique Madame Nayavnet, toujours selon le rapport, ce sont les étudiants et les enseignants en Afrique qui sont les plus à risque. 9 pays d'Afrique subsaharienne figurent sur la liste des 30 pays cités dans le rapport. Véronique Aubert, conseillère humanitaire de l'ONG Save the Children, qui est membre de la coalition, dresse une liste des pays les plus affectés par ce phénomène. La République centrafricaine, la Somalie, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Nigeria et le Zimbabwe. Les étudiants et les enseignants sont délibérément ciblés, dit-elle, on leur tire dessus, on les menace, on les enlève même à cause de leur lien avec l'éducation. Ce sont des cibles faciles et ils ont besoin d'être protégés, ajoute-t-elle, dans de nombreux cas. Les écoles ont été utilisées comme des casernes, des postes pour tirer, des dépôts d'armes ou comme centres de détention et de torture. À la fin de 2012 et durant 2013, plus de 100 écoles ont été pillées ou saccagées en République centrafricaine, ajoute le rapport de la Coalition mondiale pour protéger l'éducation des attaques. Durant le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011, plus de 500 écoles et universités ont été détruites, endommagées, pillées ou utilisées par des groupes armés et les forces militaires nationales. La coalition appelle les parties au conflit à ne pas utiliser les établissements scolaires à des fins militaires. Les écoles abandonnées pendant un conflit ne doivent pas être occupées par des groupes armés, d'autant que la sécurité des élèves contribue à assurer un avenir meilleur au pays une fois la paix revenue. Des dizaines de milliers de semences mises à l'abri du changement climatique, 28 février 2014. Une vingtaine de milliers de semences de diverses espèces végétales de la planète ont rejoint cette semaine la Chambre forte mondiale de graines de Svalbard en Norvège, une réserve mondiale de semences inaugurée en 2008 et qui tient lieu d'arche de Noé moderne destinée à préserver la diversité des plantes. Ce complexe situé dans un archipel de l'Arctique, à un millier de kilomètres seulement du pôle Nord, protège les semences du monde entier contre les changements climatiques, les guerres, les activités humaines ou encore les catastrophes naturelles. Il s'agit d'une réserve de dernier recours. En cas de disparition des 1400 autres banques de semences végétales du monde, suite aux conflits ou catastrophes naturelles, de telles banques ont déjà disparu, notamment en Irak, aux Philippines et en Afghanistan. explique la scientifique Charlotte Lustig du Global Crop Diversity Trust, une organisation internationale qui œuvre pour assurer la conservation et la disponibilité de la diversité des cultures essentielles pour l'alimentation et l'agriculture. Parmi les espèces reçues cette semaine par la Chambre forte mondiale de graines, des tomates, des sorgots ou encore un gombo, chaque échantillon comprend 500 semences, précise Monsieur Lustig. Le Centre international d'amélioration du blé et du maïs a fait parvenir des graines de maïs et de blé, ainsi que des théosinthes des espèces de graminées qui sont des cousins lointains du maïs moderne. Le centre d'orge Barley Germ Plasm Center de l'université d'Okayama au Japon a livré quelques 575 échantillons en double d'orge. Il envisage d'ailleurs d'en envoyer quelques 5000 autres. Selon le professeur Kazuhiro Sato de l'Institut des sciences et des ressources végétales de l'université, les experts japonais sont nettement plus soucieux de la préservation des espèces depuis les pannes de courant intervenues suite aux puissants tremblements de terre et tsunamis survenus en 2011, car pour survivre, les graines et semences doivent être soigneusement congelées. Mauritanie, feuille de route pour éradiquer l'esclavage. Le plan a été développé en collaboration avec le Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme. 28 février 2014, le gouvernement mauritanien adoptera le 6 mars prochain une « feuille de route » pour faire disparaître l'esclavage. L'annonce a été faite jeudi 28 février à Nouakchott par la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les formes contemporaines de l'esclavage, Gulnara Shahinian. Au terme d'une visite de 4 jours en Mauritanie, il s'agit donc d'un nouveau pas vers l'éradication de l'esclavage dans le pays. Madame Shahinian avait effectué une première visite officielle en Mauritanie en 2009. L'objectif de son récent séjour avait ainsi pour objectif de jauger les développements survenus depuis ce premier déplacement dans l'un des derniers pays où l'esclavage perdure. La rapporteuse de l'ONU a affirmé que des progrès ont été notés dans le combat contre l'esclavage dit moderne dans le pays, mais a appelé Nouakchott à faire davantage pour l'éliminer une bonne fois pour toutes. Je félicite le gouvernement de Mauritanie pour les mesures prises depuis ma dernière mission en 2009 et pour son engagement à mettre fin à l'esclavage dans le pays, a déclaré Madame Shahinian en 2007. Le gouvernement mauritanien avait adopté la loi criminalisant l'esclavage, mais cette législation, selon elle, doit encore être pleinement mise en œuvre pour entraîner des changements concrets dans la pratique. L'experte a fait part de sa préoccupation au sujet du très faible nombre de poursuites en vertu de la loi de 2007, laquelle, a-t-elle ajouté, devrait être amendée afin de garantir une meilleure protection des victimes reconnues comme esclaves. La pratique est pourtant interdite en Mauritanie depuis 1980 et elle est considérée comme un crime depuis la réforme de la Constitution en 2012. Du reste, les personnes condamnées pour esclavage peuvent écoper d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. La rapporteuse de l'ONU a favorablement accueilli l'annonce de la création d'un tribunal spécial pour poursuivre les crimes d'esclavage. Elle a aussi salué l'arsenal législatif lancé en 2011 pour protéger les droits des employés de maison. Madame Shahinian a cependant dit qu'il était impérieux de mettre en place des solutions ciblées et adaptées pour les anciens esclaves. Ainsi, selon elle, la feuille de route permettra de développer un certain nombre de projets économiques qui seront d'un grand apport pour les populations ciblées. Le plan a été développé en collaboration avec le Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme, après la mission de 2009. Gulnar Achaïnian a indiqué avoir obtenu de Nouakchott l'engagement de désigner des avocats pour défendre la cause des esclaves devant les tribunaux. Durant son séjour entamé le 24 février, elle a notamment rencontré le président Mohamed Ould Abdelaziz, son chef du gouvernement Moulay Ould Mohamed Lagdaf, de même que des organisations de défense des droits de l'homme et des syndicats, les ONG, anti-esclavagistes sont très actifs dans le pays, mais n'ont pas encore le droit de se constituer partie civile dans les procès contre les personnes accusées d'esclavagisme.